pas, j'me le bute. Fais-moi la pas, j'me le bute. Ouais, ouais. Fais-moi la pas, j'me le bute. Fais-moi la pas, pas, contrôle, flip, clap. Fin de frappe, ton gold, j'le kidnappe. Une, deux, j'fais une autre charge, j'en élimine deux. J'me choque, j'fais un petit pont sur l'arbitre, trop fin. J'repose dans l'OM comme Tauvin. J'moule le maillot jusqu'à la fin. Autour de corner, j'fais des gris-gris. J'fais danser la défense un peu comme Kiki. J'fais le single comme Mandia City. Dédicace au talent gâché dans mon titi. Le ballon arrive en l'air, j'fais partir l'attaquant en tunnel de pigeon. Appel contre appel, vif comme Griezmann, gauche comme Bale. Sur le terrain, je m'amuse, j'garde le ballon sur la nuque. Doré de platine, c'est ma marque, marque, j'suis parti de rien comme un FIFA dans le fut. Fais-moi le stand, j'fais un ciseau, j'fais faire le signe, j'vous la zizou. J'dribble le goalie sur le ballon, j'fais un bisou. J'dribble le goalie sur le ballon, j'fais un bisou. Ma team, c'est la meilleure, tout soudé, pas de moment, faut payer. Le golf carré croix, pas de frayeur. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, page, passe. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, j'mets le but. Ouais, ouais. Fais-moi la page, j'mets le but. J'tire les coups francs comme Roberto Carlos, mais j'fume des connes comme Bob Marley. J'tire les coups francs comme Roberto Carlos, mais j'fume des connes comme Bob Marley. Contrôle poitrine, j'atterris. Bossé comme Robin, rapide comme Ribéry. J'ai souffert en avoir d'être. En France, Benzema. Coup d'épaule, tac propre. J'te bats dessus et fais ton cinéma. La la la la la la, DJ Drogba. Extérieur, changement d'aile, Paul Pogba. La rue, la street, j'fréquente. En mode sentinelle comme Kanté. Prochain but, j'fais le M de Moog. Et j'tasse comme dans Brigante. Ma team, c'est la meilleure. Tout soudé, pas de monde, faut payer. Le golf carré croix, pas de frayeur. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, page, passe. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, j'mets le but. Ouais, ouais. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, ouais. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, j'mets le but. Fais-moi la page, j'mets le but.